Archi Radio, la radio du festival Archipel, en direct de 10h à midi sur archipel.org. Je vais dire quelque chose avant chaque pièce, mais j'aimerais bien commencer par Pagella, c'est le chant corse, interprété par un groupe qui s'appelle Affiletta. Et la chanson s'appelle O Lamento de Gesù. La prochaine composition serait une pièce de Yannis Xenakis. La pièce s'appelle Char. Et c'est ma pièce préférée de ce compositeur. Moi, je dois dire, je suis quelqu'une qui passe toute la journée avec la musique. Je me lève avec la musique. Je passe vraiment toute la journée avec la musique. Je veux dormir avec la musique. Et parfois, j'ai besoin de structure, plus de structure pour mon travail ou pour mon organisation. Et j'écoute cette pièce, ça m'aide beaucoup. Je vois des bâtiments, je sens l'architecture, une vraie architecture dans cette musique. Donc, je voulais vous montrer ça. Thank you. Thank you. je suis prête à travailler, à faire beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Une œuvre complètement hallucinante qu'on aurait aussi envie d'entendre en diffusion, mais peut-être une autre fois dans ce salon d'écoute. L'Orchestre de Luxembourg. Alors ma question, elle était liée justement à la formation. Moi, j'entends des plans différents d'enregistrement, comme si c'est pas qu'il y ait des solistes, mais j'entends des cordes qui sont plus proches que d'autres. J'imagine que c'est volontaire, mais peut-être que tu as des informations là-dessus. Je sais pas personnellement. C'est aussi Olga qui a fait un truc avec des plans. D'accord. Non, mais je sais qu'il y a des groupes solistes, plutôt des groupes... D'accord, donc c'est spatialisé. L'orchestre est spatialisé? Non, c'est juste au niveau de composition. Donc il y a des passages pour certains groupes de musiciens. Visuellement, c'est un orchestre ordinaire, c'est comme une situation normale. Et donc, tu sais combien de cordes? Non. Beaucoup. Mais beaucoup. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de cordes. Ok, merci. Je dois dire, cette pièce n'est pas très connue, mais oui. À mon avis, il y a beaucoup dedans, je dois dire. C'est vraiment magnifique. Ouais. La prochaine pièce serait Lonely Child par Claude Vivier. Je sais. Oui, j'ai ce problème que c'est un peu compliqué pour moi, mais la prochaine pièce c'est Lonely Child par Claude Vivier. C'est une pièce pour soprano et ensemble. Et il y a aussi un texte. Et j'aimerais bien lire ce texte pour qu'on puisse avoir un peu plus de contexte pour écouter après. Claude Vivier, il vient de Québec, mais aussi il a inventé son propre langage. Donc il y a des passages où il n'y a pas de traduction. Bel enfant de la lumière, dors, toujours dors. Le rêve viendront, les douces fées viendront danser avec toi. Merveille, les fées et les elfes te fêteront. La farandole joyeuse t'enivrera. Ami, dors, mon enfant. Ouvrez-vous, portes de diamants, palais somptueux. Mon enfant, les hirondelles guideront tes pas. Kure no yazo na onde vaki nanoni eudoa. Dors, mon enfant. Dadudi yo rezui yu aewe de gaj da eu daj ue daje dadude daje mawe ka jade do yanose mayo reste de yave manani novi ieka. Les étoiles font des bonds prodigieux dans l'espace, temps, dimensions zébrées de couleurs. Le temps et une parabole discutent de Merlin. Les magiciens merveilleux embarrassent le soleil d'or. Les acrobates touchent du nez les étoiles pas trop sages. Les jardins font rêver aux mains mauves. Rêve d'enfant, donnez-moi la main et allons voir la fée Carabosse. Son palais de jade cisse au milieu de morceaux de rêve oubliés déjà flottent éternellement. Ô reine des eaux bleues, donne-moi s'il te plaît l'éternité. Ô reine, kore noi tatio, kore noi nao yasinke. Il y a un douce dirige vers les étoiles l'énergie sublime, Tatio. La langue de fée te la parlera et tu verras l'amour, Tatio. Tendrement tes yeux verts puceront dans les lambeaux des contes surannés pour en crier en vrai le tien, Tatio. Donne-moi la main, Tatio. Et l'espoir du temps. Hors temps apparaît mon enfant, les étoiles, le ciel brûlent pour toi, Tatio. Et t'aime éternellement. Je dois dire que le moment quand j'ai entendu cette pièce pour la première fois c'était vraiment un point de avant et après, parce que jusqu'à ce moment-là, je savais pas que c'est possible écrire la musique si nue. Et oui. Je voulais partager avec vous cette expérience aujourd'hui. Thank you. Cette pièce était interprétée par Susan Naruki et Schoenberg ensemble. Ça date de quand? Date de la composition? On doit regarder ça, mais c'est, je crois que c'est fin. Ça doit être 8 ans quelque chose. Oui, on va regarder ça après. Pas très récent dans ce sens-là. Oui. La prochaine pièce, c'est une composition d'Oscar Bianchi. Et il était hier soir aussi présenté par le festival. On avait un concert avec son concerto pour six contrebasses. Mais la première pièce de lui, laquelle j'ai rencontré dans ma vie musicale, c'était une cantate pour ensemble, fait en fait écrit pour Neue Vokalsolisten Stuttgart et ensemble Ictus. Le cantate s'appelle Matra et je voulais montrer le dernier mouvement de cette cantate. À mon avis, il a laissé tout son cœur dans cette pièce. Yo Thank you. Ça fait toujours plaisir d'entendre cette pièce. Là, on sent bien le caractère d'Oscar, ces formules très rythmiques qui partent après, qui sont en même temps instrumentales, mais en même temps qui partent dans l'électronique. On se perd, on ne sait plus très bien quel plan est où. Et puis évidemment, alors ici dans le salon d'écoute, c'est génial parce qu'on a ces... Même avec une diffusion comme ça, très simple, frontale, on a tous ces plans. Bon, il y a un gros travail visiblement d'enregistrement qui a l'air d'être très bien fait. J'imagine qu'il y a participé, forcément. Adia. Oui, je trouve cette pièce absolument géniale. Et, oui. Et l'interprétation aussi, bien sûr. Je sais. Mm-hmm. Puis ça joue en plus, c'est pas juste précis, ça joue. Oui, ils ont beaucoup travaillé ensemble et tout. Ah oui, bah j'aurais sinon encore une pièce, je sais pas si on. Alors malheureusement, on arrive un petit peu au bout. Il est 1h02. Non, c'est ça. On a. Alors je dois faire. J'ai bien l'impression que les auditeuristes ne m'ont pas entendu en début d'émission, donc je précise que nous sommes ici dans le salon d'écoute mardi 4 avril 2023 avec Asia Metianova qui nous a fait entendre les quelques œuvres et musiques qu'il apporte et qui font que elle écrit peut-être aujourd'hui ce qu'elle écrit. On l'a entendu hier soir avec une œuvre pour orchestre jouée par le Basel Sinfonietta, donc j'ai pas vraiment l'impression qu'on a la possibilité d'écouter une œuvre en entier, mais peut-être, voilà, la radio dit oui. Ok, super. Donc la chance, allons-y. Donc, Asia, une dernière pièce. Oui, la dernière pièce, elle dure 5 minutes. je trouve que cette pièce est la pièce la plus belle, importante dans l'univers. Alors là, on ne pouvait pas la rater. Donc c'est... Oui, c'est la dernière pièce écrite par Gérard Griset. Et dans son cycle « Chant pour franchir le seuil »,« La berceuse ». Et je voulais juste dire qu'il disait lui-même qu'en fait, cette berceuse n'était pas tant propice à l'endormissement, mais qu'il se révélait en fait être comme un éveil après un mauvais rêve. Voilà. Thank you. Merci beaucoup. Merci Asia pour ce moment musical. Et à demain pour la suite, en tout cas du direct Archi Radio. Et bonne suite, bonne continuation, plein de concerts, plein d'événements, plein de choses qui se passent dans la maison communale aujourd'hui. À tout à l'heure.